La partière, un bled paumé, coincé dans le trou de mon derrière. On y vit bien, l'air n'y est pas malsain. La campagne à perte de vue, j'en ai presque trop vu. Que je regarde autour de moi et je constate l'autorité désormais. Elle nous présente ses matraques, ça me fait ouvrir ma gueule. Et ce n'est pas terminé face au désarroi que ces messieurs ont causé. Depuis 30 ans, on crée les ghettos. Ton Paname et bientôt on y a joué au Lego. Des tours en béton se sont installés dans la misère et le gris, on les a invités. Familles d'immigrés, les pieds noirs ou métissés, les rémistes, les chômeurs, bref, les moins bien placés qui ont récolté pendant tant et tant d'années la zermie, la zomperie, le harcèlement des poulets, le refus des CV et les portes fermées, les contrôles d'identité tout au long de la journée. Et petit à petit dans ces communautés, une loi de la jungle s'est bien sûr installée. Arbitraire, et on verra si ce n'est pas la rue qui gouverne.